Book 2 25 25 25 في المدينة En ville En ville أريد أن أذهب إلى محطة القطار Je voudrais aller à la gare Je voudrais aller à la gare. أريد أن أذهب إلى المطار. Je voudrais aller à l'aéroport. Je voudrais aller à l'aéroport. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Je voudrais aller dans le centre-ville. Je voudrais aller dans le centre-ville. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Comment vais-je à la gare? Comment vais-je à la gare? كيف أصل إلى المطار؟ Comment vais-je à l'aéroport? Comment vais-je à l'aéroport? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Comment vais-je dans le centre-ville? Comment vais-je dans le centre-ville? J'ai besoin d'un taxi. J'ai besoin d'un taxi. J'ai besoin d'un plan de la ville. J'ai besoin d'un plan de la ville. J'ai besoin d'un hôtel. J'ai besoin d'un hôtel. Je voudrais louer une voiture. Je voudrais louer une voiture. Voici ma carte de crédit. Voici ma carte de crédit. هنا رخصة قيادتي. Voici mon permis de conduire. Voici mon permis de conduire. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Que faut-il visiter dans la ville? Que faut-il visiter dans la ville? اذهب إلى المدينة القديمة. Allez dans la vieille ville. Allez dans la vieille ville. قم بجولة في المدينة. Faites une visite guidée. Faites une visite guidée. اذهب إلى الميناء. Allez au port. Allez au port. قم بجولة في الميناء. Faites un tour du port. Faites un tour du port. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore? Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية